Voici un hors-série de La Courte Échelle. Votre instant d'évasion. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Soyez les bienvenus dans ce nouveau hors-série de La Courte Échelle. Alors, La Courte Échelle, l'émission hebdomadaire, vous propose les nouveautés de la scène indépendante internationale, alors que les hors-séries de La Courte Échelle, eh bien, vous propose de revisiter les titres qui ont fait les deux premières saisons de cette émission. Et l'émission va commencer sous les meilleurs auspices, puisque c'est Joli Môme qui monte sur la scène de La Courte Échelle avec Rattrape-moi. Trop peur d'être heureux, t'en es ridicule de rage et d'espérance. Quand t'oses à peine me regarder en face, t'es lamentable, tes cicatrices de ton sacré, de ton mutisme, de ces silences bien trop longs, de ta cruauté, ta déraison. Allez, serre-moi. Je sauve ma peau à tout prix. T'es pas de ceux qui aiment qu'on les admire. J'en déchirais le fond de mes entrailles pour être certaine que je veux bien que tu t'en ailles. Je veux que tu me détestes et tu ne sais pas m'aimer. Allez, vas-y, me regarde pas comme une putain de chienne blessée. Je veux pas de toi, de tes misères, de ma frustration, de ma tristesse. Des textes et une musique finement ciselés l'un comme l'autre. Voici Jean-Paul Barastier avec « Pas de quoi s'inquiéter ». Vous écoutez un hors-série de La Courte Échelle. Pas très loin des Ulysses, je m'en vais chez Lucille faire le plein de pastis. Regagnant sans traîner mon automobile, je tombe nez à nez avec deux Playmobil. Bardé de suffisance et l'œil inquisiteur, le plus gras des me lance, c'est à vous ce tracteur. Avec deux bœufs devant, j'aurais dit une charrue. réplique ai-je inconscient du danger encouru. Direct garde à vue, un doigt dans le trou du cul. J'avoue, il est chocotte quand il sort les menottes. Il semble aimer le cuir et divers ustensiles. Difficile de s'enfuir, de quoi se faire de la bile. Mais nous sommes là pour vous protéger. Y'a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Oui, nous sommes là pour vous protéger. Y'a vraiment pas de quoi s'inquiéter. C'est ce que disait grand-père en 1940. Sur un quai en hiver et d'une voix tremblante. C'est vrai qu'on est un peu serré dans ses wagons et qu'on se soucie peu de nos réclamations. Après des heures passées dans les pires conditions, nos espoirs s'émoussaient de station en station. C'est à destination que nous comprîmes enfin à qui s'adressaient donc les aboiements des chiens. Depuis je ne bois plus une goutte de Vichy et surtout ne crois plus aux vertus du képi. Quand je vois défiler tous ces cars grillagés, je pense aux libertés qu'ils ont foulées aux pieds. Mais nous sommes là pour vous protéger. Y'a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Oui, nous sommes là pour vous protéger. Y'a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Un soir de démesure au café des artistes, nous avons d'une main sûre honoré les trappistes. Puis sorti les guitares jusqu'au petit matin, sans s'arrêter de boire pour noyer nos chagrins. En simple troubadour, le cœur gonflé d'espoir, ce n'est qu'au petit jour que nous quittons le bar. Au soleil de juillet, allongé sur un banc, aussitôt alerté par quelques braves gens, nous vîmes débarquer, la démarche assurée, deux trois assermentés, quelque peu énervés. Après quelques échanges d'un langage plus châtié, nous fûmes invités en des lieux ombragés. Mais nous sommes là pour vous protéger. Y'a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Oui, nous sommes là pour vous protéger. Y'a vraiment pas de quoi s'inquiéter, non. Auteur, compositeur, interprète en chanson française, Laurent Blanchard a cédé à l'appel d'une petite voix intérieure qui l'invitait vers une seconde vie professionnelle, vers une nouvelle aventure. Le voici avec messieurs, mesdames, Laurent Blanchard. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je voulais te dire que très souvent je pense à toi. Je voulais te dire aussi que c'est triste quand t'es pas là. Je n'ai plus d'histoire à raconter, j'ai l'impression de perdre pied. J'aimerais encore pouvoir rêver qu'ensemble on pourrait s'envoler. Je voulais enfin te dire que... Mais bon, ça tu le sais déjà. Je voulais te dire, messieurs, mesdames, que ça me manque de ne plus la voir. Je voulais te dire, messieurs, mesdames, je peux plus raconter mes histoires, mes mots rangés dans des tiroirs, plus de notes au bout de ma guitare. Je voulais te dire, messieurs, mesdames, trou noir. Je voulais te dire, et c'est pas simple, ce que je sens au fond de moi. Perdu dans un grand labyrinthe, je cherche le son de ta voix. Le bleu profond de tes doux yeux, que je regarde comme un ciel. Et le bonbon si savoureux qu'offrent tes lèvres au goût de miel. Je voulais te dire combien je t'aime, combien tu comptes pour moi. Je voulais te dire que j'ai le cœur blême quand la peur s'installe en moi. Je me raconte un tas d'histoires, mais j'ai toujours au fond de moi l'espoir que... Mais bon, ça tu le sais déjà. Je voulais te dire, messieurs, mesdames, je sais pas pourquoi je te raconte ça. Je voulais te dire, messieurs, mesdames, où est-elle? Je ne la vois pas. Si tu la croises, messieurs, mesdames, s'il te plaît, peux-tu dire pour moi que je l'aime de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma foi. Si tu la vois, messieurs, mesdames, dis-lui que sans elle, je suis perdu. Si tu la vois, messieurs, mesdames, dis-lui que mon cœur n'en peut plus. Je sais plus quoi dire, j'ai le vague à l'âme. Pour toi, je me suis mis à nu. Alors voilà, messieurs, mesdames, sur ces mots, je vous dis salut. Salut. Autrice, compositrice, interprète et multi-instrumentiste, Magali Michaud mélange les influences de la musique classique, des chansons françaises et des ballades de folk. La voici avec ce qui est assez exceptionnel dans La Courte Échelle, une reprise de la chanson de Brassens, Les Copains d'abord. Vous écoutez un hors-série de La Courte Échelle? Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates n'écmergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. Non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confidéo, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le cœur, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. Cent ans après, qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de port. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Comme j'en avais marre, un jour je suis parti Voici le breton d'adoption, Yann Malo, la mer toujours. Et l'odeur de Paris. Et après un très long voyage, j'ai découvert un paradis. Un décor pour mon premier âge. Mon Dieu qu'il est beau ce pays. La mer ici toujours. Depuis 500 000 ans. À 100 lieues alentour. J'unis au sable blanc. Pour donner dans la liberté, dans la joie, la pêche et les chants. Une impression d'éternité. Rejoins-moi mon amour, viens partager ma vie. Car le plus beau séjour sans toi est plein d'ennui. Tu verras, c'est pas un mirage, tu aimeras la folie. Les poissons d'or, les coquillages et les coraux qu'on trouve ici. La mer depuis toujours et tout au long de l'an. Mais le son rythme sourd aux cris des goélands. Et murmure au soleil d'été dans la lisée de grand beau temps. Une chanson de liberté. Homme libre toujours, tu chériras la mer. Souviens-toi mon amour, des mots de Baudelaire. Je veux que nous soyons heureux face aux hommes et à l'univers. Que nous soyons les amoureux de l'extrémité de la terre. La mer ici toujours, comme dans 500 000 ans. Chaque nuit, chaque jour, unis au sable blanc. Pour du fond de l'immensité, dans la solitude et le vent, rouler son chant d'éternité, rouler son chant d'éternité. Vous écoutez un hors-série de la courte échelle. Et c'est vrai que nous avons tout pour être heureux, le Lillois Jeff Kino. D'en rire, d'en sourire. Mais au fond de nous, qu'est-ce qu'on veut? Ne plus faillir et ne plus souffrir. Toujours cette peur qui nous rend nerveux. Et ce passé qu'on voudrait. Alors aimons-nous chaque jour, comme si c'était le dernier. Alors aimons-nous chaque jour, comme si c'était le premier. C'est baiser les yeux dans les yeux, jusqu'aux caresses qui nous font rougir. À tous nos plaisirs amoureux, toutes ces étreintes, ces soupirs. Alors aimons-nous chaque jour. comme si c'était le dernier. Alors aimons-nous chaque jour comme si c'était le premier. Chanteur, auteur, compositeur, musicien autodidacte, Mario Montedoro est avec nous dans La Courte Échelle depuis la première saison. Il a commencé à composer depuis l'âge de 16 ans. On va l'écouter avec Revenir à l'essentiel. Des heures sublimes et des jours heureux. Se souvenir que le meilleur reste à venir. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. On s'éloigne peu à peu, et chaque jour un peu plus. On se rend compte que nous deux, on arrive au terminus. On a tant et tant marché, ce serait con de s'arrêter. Plus qu'à continuer, ce serait bon de se révolter. Revenir à l'essentiel, tout simplement se dire je t'aime. Lever les yeux vers le ciel, car notre amour est éternel. Ensemble, il faut maintenant se retrouver comme avant. Regardez bien droit devant nous, car notre amour est l'amour fou. Sans savoir où s'en va. Il faut dire que toi et moi, ce n'est plus comme autrefois. On a tant et tant vécu, de beaux jours et d'autres pas. Faut pas s'avouer vaincu. Allez viens, on continue. Revenir à l'essentiel, tout simplement se dire je t'aime. Lever les yeux vers le ciel, car notre amour est éternel. Ensemble, il faut maintenant se retrouver comme avant. Regardez bien droit devant nous, car notre amour est l'amour fou. Lever les yeux vers le ciel, car notre amour est éternel. Ensemble, il faut maintenant se retrouver comme avant. Regardez bien droit devant nous, car notre amour est l'amour fou. Au nom de l'amour, c'est la première chanson de Lissi Naïs Jean que l'on a découvert dans la première saison de La Courte Échelle. Hors série de La Courte Échelle. L'amour c'est de l'or, baby, je prends pas de fantaisie. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Vivre pour vivre, c'est important et c'est Michel Monaco dans la courte échelle, le hors-série du jour. Quand on est là, on peut se dire c'est long la vie, mais quelquefois on n'a pas le temps de dire merci. Il y a quelque chose qui nous pousse en avant. C'est pas grand chose, c'est juste aimer les gens. Oh, vivre, pas simplement rien que pour vivre. Oh, vivre pour un amour, une cause. Aimer si fort qu'on peut enfin toucher les étoiles. Pour un rien, pour une rose. Oh, vivre comme un enfant qui nous dit vivre. Oh, vivre en ouvrant tout grand les yeux. Aimer sans attendre qu'on soit aimé en retour, tout donner, tout l'amour. Regardez, je l'ai perdue. C'était la femme qui jouait le mieux de moi, comme d'un violon qui pleure et ne peut s'arrêter. Oh, vivre, pas simplement rien que pour vivre. Oh, vivre pour un amour, une cause. Aimer si fort qu'on peut enfin les étoiles comme le vent dans une voile. Oh, vivre comme un enfant qui nous dit vivre. Oh, vivre en ouvrant tout grand les yeux. Aimer sans attendre qu'on soit aimé en retour. Pardonner sans. Et bien plus tard, devant une porte qu'on ose franchir, quand la mémoire repasse en boucle nos souvenirs, y a des images qu'on déplie comme des bagages. J'étais bien dans mon rôle d'être humain. Oh, vivre, pas simplement rien que pour. Le premier album des six musiciens de Paris-Byzance est sorti en juin 2019. Aimer si fort qu'on peut enfin. Et je vous propose d'en retrouver un extrait dans leur série de la courte échelle du jour avec Unissons les contraires. Vous écoutez un hors-série de la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Unissons les contraires, la paix, la guerre. Oublions les frontières, l'endroit, l'envers. Unissons les contraires. sont les contraires. Le soleil fait le tour du monde. Une ellipse solaire pour un seul monde. Pour réchauffer les terres et qui réchauffe les cœurs. Ni haine, ni compassion. A soif, a des raisons. Le fort, le faible. Unissons les contraires. La rose, le glaive. Unissons les contraires. La femme et l'homme. Oublions les frontières. L'étoile, l'atome. Unissons les contraires. Portés par l'univers. Laissons faire la lumière. Embrassons ce mystère. Unissons les contraires. Daniel Jubeau a commencé par étudier l'accordéon à l'âge de 9 ans. Et voici un extrait d'un de ses albums, Guérilla Urbaine, Daniel Jubeau. Unissons les contraires, unissons les contraires. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. S'agite près des périphériques, des guérillas urbaines, dans ces nuits éclectiques où l'on traîne sans suite, dans des lieux pathétiques où les amours s'égrènent, où les amours s'égrènent. Dans ces jeux illicites qui parfois nous excitent pour que le corps s'explique quand des envies l'appellent, dans ces jeux de hasard où les anges s'égarent, dans des rites barbares, des rendez-vous sensuels, je ne t'attendais pas. Je ne t'attendais pas, pas toi, pas toi pour moi. Je ne t'attendais pas, je ne t'attendais pas, pas toi, pas toi pour moi. Je ne t'attendais pas. Pas toi pour moi. je ne t'attendais pas. Auteur, compositeur et interprète de la scène française, Pierre Hassène a toujours joué des notes, chanté et fait de la musique. Le voici avec Paradis. Vous écoutez un hors-série de La Courte Échelle. Marchand de certitude, toutefois je peux dire avec exactitude que ce qui nous égare n'est qu'une histoire de latitude, parce qu'au-delà des corps, harmonie des cœurs en altitude, magie rebelle et sensuelle, mon âme compte parmi tes fidèles, t'excelles, t'es celle qu'on ne saisit pas, un ange dont l'absence se voit au paradis. Courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! Thierry Vallon, lui aussi, est avec nous depuis le début de La Courte Échelle. Voici l'artiste. Le peintre a vu Un arc-en-ciel s'écraser dans un champ. Il a donné les couleurs au printemps. Le peintre a vu le vent qui déshabillait la forêt. Et l'hiver qui d'un manteau la couvrait. Le peintre a vu le soleil faire l'amour à un sommet. Puis dire un nuage les a cachés. Il nous montre du décor l'envers. L'artiste, il nous partage son univers. L'artiste, dans des œuvres qui défient le temps. Il nous montre la vie autrement. L'acteur a lu d'un seul trait le tout dernier scénario. Il se voyait dans la peau de Belmondo. L'acteur a lu, en retenant son souffle, un court métrage. Il savait qu'il était le personnage. L'acteur a lu, pensant que c'était parler de lui. Il nous montre du décor l'envers. L'artiste, il nous partage son univers. L'artiste, dans des œuvres qui défient le temps. Il nous montre la vie autrement. Le chanteur a cru que c'était le rossignol qui chantait tous les refrains des Beatles en français. Le chanteur a cru que le ruisseau fredonnait en coulant pour lui dicter la partition d'un chant. Le chanteur a cru, bien qu'éveillé, qu'il vivait un cauchemar. Alors, il a pincé sa guitare. Restons dans le sud de la France avec un artiste que vous aimez beaucoup. Il s'appelle Ziz et Faites chauffer la colle. Vous écoutez Hors série de la Courte Échelle. Y'en a qui tombent la chemise et d'autres qui dansent le Mia. Je vous le dis, parole de Ziz, j'ai tous les disques de Claude François. Moi je suis de la génération de Véronique et d'Avina. Je fais de la gym dans mon salon en dansant la Macarena. Un petit flashback en arrière, un petit voyage dans le temps. J'aime les filles du bord de mer, mais aussi le rire du sergent. Chauffer la colle, sans déconner, on est des cons déconfinés, des chanteurs de karaoké. Ok, faites chauffer la colle, faut pas rêver, qui va piquer les pots cassés. Il faut coller les morceaux, ramenez-nous tata yo-yo. faire des vocalises. Un châtain, le papa pingouin. Est-ce qu'on peut remettre de l'huile et danser comme des canards? Si vous êtes prêts pour la chenille, ben c'est parti, on redémarre. Un petit flashback en arrière, un petit voyage dans le temps. Un big bisou si tu préfères. Ok d'accord, mais en attendant, réchauffez la colle. Chauffez la colle, sans déconner. On est des condés confinés, des chanteurs de karaoké. Ok, chauffez la colle. Faut pas rêver, qui va payer les pots cassés? Il faut recoller les morceaux. Rendez-nous ta taille. Chauffez la colle, sans déconner. On est des condés confinés, des chanteurs de karaoké. Ok, chauffez la colle. L'émission vous fait voyager puisque nous revoici à nouveau dans le nord de la France avec les mauvaises langues à l'enregistrement live, si je n'avais pas peur. Le rendez-vous des artistes indépendants. Tu sais si je n'avais peur de rien. du tout. Tu sais, si je n'avais peur de rien. Si je n'avais pas peur, les mauvaises langues étaient accompagnées des musiciens et des choristes de l'ensemble Divertissement, enregistré au mois d'octobre 2019 au théâtre Sébastopol de Lille. Du tout. Et si vous aussi vous attendez le soleil, vous êtes à la bonne adresse puisque voici la ruelle des Mômes. J'attends le soleil. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. C'est tout pour aujourd'hui pour ce hors-série de la Courte Échelle. On se retrouve bientôt pour l'émission hebdomadaire, si vous le voulez bien. Et on se retrouve pour un nouveau hors-série qui nous permet de retrouver les titres des deux premières saisons de l'émission très bientôt également. D'ici là, eh bien, soyez heureux. Instant d'évasion, la Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants.